3, 2, 1. Un beau soir d'été, tu roulais ta 104 déglinguée sous le ciel étoilé, la ligne blanche tanguait et valsait sous les phares. C'était beau à en pleurer, mais tu t'étais tellement beurré que t'as fini dans le fossé. De ta vie tu n'avais jamais bu d'eau, tu trouvais ça dégueulasse, mais au fond de l'étier c'est à grand goulet que tu buvais la tasse, en te disant que t'avais raison, non ce n'est vraiment pas bon. C'est au bar de l'espoir qu'avec l'ami Bernard vous siphonniez votre pinard. Tu disais sans arrêt que bourré tu roulais bien plus en sécurité, car tu étais né, attention, le jour de la Saint-Émilion. Oui, ta vie fut si pleine de joie, de gaieté, de bonheur, d'insouciance, qu'il y a même un soir où t'étais si saoul que tu regrettais même plus ta naissance. Et puis tant de rebondissements, surtout dans les derniers moments, quand ta tête a heurté le volant, bizarrement tu t'es mis à penser au passé, à cette femme, cette putain, cette fada qui était partie et qui ne te méritait pas, qui t'a donné deux filles consanguines, car c'était aussi ta cousine, la coquine. Quand l'école t'a quitté à 12 ans en prévenant tes parents que t'étais bien trop intelligent, tu ne savais plus que faire, tu errais en enfer, ta vie est devenue un calvaire. Alors tu as fini les cours primaires dans la classe de maître Canter. Couplet dégueulasse. D'ailleurs, en parlant de calvaire, c'est odieux, mais mentionnons monsieur l'abbé, qui derrière la curée te fouillait les viscères, prononçant gentiment son sermon. T'avais beau être jeune et simple, ça t'a quand même un peu marqué. Oui, la vie romantique de René mériterait un récit plus complexe à coup sûr. Et ça ne serait point éthique si je ne mentionnais pas ces derniers mots qui furent Adam, Vérole, Macro. Mais je crois que je suis baisé avec tout Fugweiss. La morale, s'il y en a de cette pauvre chansonnette, c'est que si tu es à la fête, ne rentre pas trop bourré, ça c'est vu par le passé, car tu risques de finir dans l'étier. Mais si la vie t'a trop abîmé, va donc rejoindre l'ami René. Mais si la Vendée t'a trop esquinté, va te plaindre à monsieur de Villiers, dis-lui Adam, Vérole, Macro. Que je te baisse ou fil vice, Adam, Vérole, Macro. Viens là que je te baisse ou fil vice.